بسم الله الرحمن الرحيم. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن قول شاءت الظروف أن يحصل كذا وشاءت الأقدار كذا وكذا. Ils ont posé donc cette question à Cheikh Ibn Uthaymeen sur cette parole que certaines personnes elles disent. Et quand il se passe une chose, ils disent c'est le temps qui a voulu telle chose. Ou c'est le destin qui a voulu telle chose. Est-ce qu'on peut dire هذا؟ Cheikh Ibn Uthaymeen رحمه الله قال قوله شاءت الأقدار وشاءت الظروف الفاظ منكرة. C'est des mauvaises paroles. Pourquoi? Le fait de dire c'est le destin qui a voulu cela. Ou c'est le temps qui a voulu cela. Pardon, il dit c'est la vie qui veut ça. Pourquoi c'est des paroles graves et des paroles mauvaises? قال لأن الظروف جمع ظرف وهو الأزمان. الظروف en arabe c'est le pluriel de ظرف. Et الظرف c'est الزمن. الأزمان أي le temps. On peut traduire nous par le temps. C'est la vie qui veut ça. قال والزمن لا مشيئة له. Et la vie, elle n'a pas de volonté. Le temps kadalik, il n'a pas de volonté. Donc tu n'as pas besoin de dire c'est la vie qui veut ça. La vie, c'est une durée qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a donnée à l'être humain pour qu'il fasse des œuvres. Donc la vie, elle ne peut pas vouloir. وهكذا قال pour le destin وكذلك الأقدار جمع قدر والقدر لا مشيئة له. Le destin, il n'a pas de volonté là. Le destin, il est fondé sur quatre choses et parmi ces choses, la volonté d'Allah Azza wa Jal. Tout ce qui se passe, c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on n'a pas besoin de dire c'est la vie qui veut ça, ou c'est le temps, ou autre, ou le destin. On n'a pas besoin de hadabel, c'est des paroles graves. Qala, rahimahullah, innama alladhi yasha' huwa Allah azza wa jal. Na'am, law qala al-insan iqtada qadaru Allah kada wa kada. Na'am, si on dit le destin d'Allah azza wa jal, s'il y a eu telle chose, c'est le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, na'am. Limadha li'anna القدر يضاف إلى الله. Et Allah سبحانه وتعالى c'est lui qui veut. هذا نعم. أما dire le destin il a voulu ou le temps ou la vie qui veut ça il a أخيره. هذا c'est un كلام منكر. قال أما المشيئة فلا يجوز أن تضاف للأقدار لأن المشيئة هي الإرادة والإرادة للوصف وإنما الإرادة للموصوف. هذا الكلام il est واضح. La référence مجموع الفتاوى de الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. Le troisième volume, page 113.